Et il était sur le premier album aussi, en tant que coproducteur. Il y avait lui et l'autre, le fameux. Ah ouais. Et lui, n'étant pas musicien, il a fait confiance à son copain. Qui ne l'est plus. Qui ne l'est plus, justement. Ah non, c'est vrai, ouais. Qui ne l'est plus. Ok. Et à cause de tout ça, justement. Mm-hmm. Et du coup, voilà, il s'est lancé dans l'aventure. Et puis quand j'étais tellement insatisfaite de ce premier album, que un jour je lui ai dit, bon, il y a 2 ans à peu près, je lui ai dit, à la fin d'un été, je lui ai dit, écoute, je suis en train d'écrire de nouvelles chansons et je vais faire un deuxième album. Et je lui ai dit, celui-là, il sera qu'en anglais. Voilà, je lui ai dit, je te préviens, je sais pas pour... voilà, j'ai décidé ça. Je lui ai dit, c'est trop un échec ce premier album. Pour moi, enfin... C'est pas abouti, quoi. Voilà, c'est pas abouti. Frustration. Frustration, trahison. Il y a un truc qui va pas, je peux pas en rester là, quoi. Donc j'ai lancé cette histoire de deuxième album. Il a dit, ben, c'est moi qui produis. Je lui ai dit, alors te sens pas obligé, parce que vu le marasme du premier, je lui ai dit, il faudrait surtout pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Je lui ai dit, c'est vraiment pas le propos et le sujet. Et donc voilà. Et puis il s'est lancé dans la... Mais c'est un mécène. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc on a monté ce petit label qui s'appelle UCS Productions, qui ne s'occupe que d'un artiste, ma pomme. C'est quand même bien. Voilà. Et puis bah, on se débat tous les deux bah, pour vendre les spectacles, pour avancer, pour payer les musiciens. Et là, c'est lui qui prépare les spectacles, ou si c'est toi qui vas voir pour les spectacles? C'est nous deux. C'est-à-dire que souvent, c'est lui qui appelle en premier, qui deal un petit peu au départ. Bah ouais, pour que l'artiste soit... Parce qu'il est beaucoup plus commercial que moi. Bah oui, il vend des bagnoles. Il vend des bagnoles, donc il me vend comme une bagnole, mais en même temps, au bon prix, équipé, on va dire. Sans doute équipé. voilà. Option bien, fournie, toute bien option. Huilé, bien huilé. Mécanique huilée. C'est ça, oui. Et du coup, toute option, comme on dit. Et voilà, c'est ça. Et après, souvent, je prends le relais pour tout ce qui est fiches techniques, machin, les contrats, même tout ce qui est contrats, les rédiger, les contrats des musiciens et tout ça. Okay. Tout ça, ouais, c'est ma partie. Écoutez, j'en ai tellement fait. Voilà, tout côté chiant, mais dont je sais m'occuper puisque je l'ai tellement fait, même pour moi toute seule, voilà, c'est pas une douleur, de toute façon. Mais en ayant autant d'amis, tu peux aussi avoir des genres d'opportunités pour faire des spectacles. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Elliot, qui m'a proposé de faire ses premières parties au New Morning. Ouais. Et sur... C'est une belle salle, New Morning. Voilà. Excellent, sublime salle. Donc voilà, j'ai fait New Morning avec lui en mars dernier. J'ai fait... y a des petites choses comme ça qui sont passées. Voilà, Charlie Williams cet été, c'est parce que le tourneur de Charlie Williams a aimé l'album et que j'ai fait les premières parties de Debbie Coleman. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'était le tourneur de Debbie Coleman. Il a dit, bah, quand il y a un truc, vous me faites signe dès que je peux. Mais Internet aussi est une ouverture. Voilà, puis ça aussi, tu vois, c'est un truc où tu... Bah, alors, regarde, on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, et voilà. Et nous voilà ici à Paris, et dans nous le voilà 11e. À Paris, dans le 11e. Sur la rue Albert en train de boire du rosé. Eh oui, du rosé, oui, ma foi, très bon. J'ai 10 questions. Et tu... Oui, que je pose à tous les artistes. Mais c'était là, alors tu as pu lire quelques trucs, hein? Non? Pas du tout. Ah, t'étais absorbé. Ah non, bah non, j'ai pas regardé. Parce que j'ai vu qu'il y avait un papier. C'est ça, ah, tu fixais, donc j'ai enlevé. J'ai pas vu. Ok, ah, je te jure, non, c'est pas en plus. Ah, alors, si tu étais un liquide... un rosé? Un rosé. Mais ouais. De quelle origine? Un petit bandol. C'est pas un bandeau. Ou un Tavel. Ok. Tavel. Oh. Ah, Tavel. Ah oui, un Tavel. Tavel. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville. Oh, Paris, parce que c'est chez moi. Et c'est le bordel. Ouais, c'est à mon image un peu. Okay. Mais il y a tellement de brassage de tout que voilà, on s'ennuie jamais. Alors des fois, on en a ras-le-bol, mais. Mais quand t'en as ras-le-bol, tu vas où? Tu restes chez toi? Bon, je reste chez moi ou je vais voir des potes à droite à gauche. J'aime bien Marseille aussi, j'aurais pu dire Marseille. Ah, okay. Parce que j'ai eu ma grande période Marseille. Mais alors pourtant c'est les deux. Marseille rap. Ouais, mais c'est les deux villes, voilà. Mais non, Paris, je suis bien à Paris, moi. Voilà. Okay. Je suis bien à Paris. Si tu étais une langue. Ah, ça c'est difficile. J'allais dire le français d'instinct, mais c'est vrai que j'aime tellement aussi la langue anglaise. Et alors c'est vraiment pas pour renier, alors je dis bien ça parce que je sais qu'en tant que Québécois, vous êtes très attachés à la langue. Alors si moi je revendique mes origines françaises, je les revendique. Je suis d'origine corse et tout ça. Donc j'aime aussi les dialectes, les patois, etc. Chez moi, ça parlait dialecte auvergnat, ça parlait corse et tout ça. Donc c'est des patois. Quoi. Donc, mais j'ai une réelle affection pour la langue anglaise parce qu'elle swing. Ok. Voilà. Le portugais aussi, c'est pas mal. Mais brésilien, côté brésilien, oh, ben là, parce que ça chante. C'est un ensemble. Voilà. Si tu étais une époque. Une époque, les 70, les années 70. Woodstock. Ouais, la fin des années 70 avec. Jimi Hendrix. Ouais, oui, voilà, c'est Joe ça. Joe Cocker. Ouais, tous ces trucs-là. Les Doors. 64, 65, les Beatles, même si c'est anglais. Ouais, mais anglais d'Angleterre. Ouais, mais ouais. Voilà, mais. Avec les Who, machin, etc., Led Zepp. Ouais. Mais les Beatles qui ont inventé. Et puis après, tout le côté ricain, on va dire plus fin des années 60, ouais. Avec les Crosby, Stills & Nash, les Neil Young, Harvest, ça. Ouais. Ouais. Voilà. C'est merveilleux. Si tu étais un mot. Un mot. Oh, je vais dire. Liberté. Voilà. Si tu étais un aliment. Un fromage corse qui pue. Ah oui, lequel? Non, alors je vais dire un fromage corse, je vais dire le bruscio. Ok. Voilà, la brousse quoi. Ok. C'est un bon fromage corsé? Non, c'est doux. Ok. C'est doux. Si tu étais une saison? L'été. Pour le soleil, les gens heureux, les vacances. L'été. Mais toi, t'en prends pas de vacances? Un artiste prend-il des vacances? Non, mais j'aime pas les vacances, moi. Mais parce que c'est pas payant. C'est même pas ça, c'est que moi, je m'éclate dans ce que je fais. Et quand je fais plus que je fais, eh ben, je m'ennuie. OK. Donc, ça va de partir deux jours, décrocher pendant deux jours, aller chez des potes, machin. Mais au bout d'un moment, si j'ai pas ma gratouillette, là, et que je suis pas un peu dans mon studio, dans mon machin, je m'ennuie terriblement. Es-tu une fille anxieuse? Ouais. Ouais. Ronger quand les contrats arrivent pas. Ouais, ben... ça me ronge, ça me mine parce que j'aime tellement ça que je me dis j'ai toujours peur que ça s'arrête. Ouais. Parce que c'est très éphémère. Hein. C'est éphémère et c'est surtout j'ai toujours l'impression d'être privilégié d'arriver à faire ce que j'aime, même si j'ai pas le compte en banque de Céline Dion ou Elvis Presley, peu cher celui, lui. Il fait 2 millions par année, mais il est mort, imagine. 2 il en millions. A plus là où il est, mais. Non, mais les enfants, les. Ouais. Mais je me dis, des fois, je dois choper quelques cheveux blancs à me dire pourquoi je travaille pas, pourquoi l'argent n'entre pas. Pourquoi aussi. Ça rentre pas plus que ça, ben oui. Pourquoi ça se vend pas plus que ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais finalement, je me dis, je suis pas mal chanceuse. Quoi. Okay. Depuis que j'ai 18-19 ans, j'arrive à faire ce que j'aime. Je me bats pour ça au quotidien. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je fais de la musique. Ça, c'est précieux. Et c'est ce que tu veux. Ouais. Tu veux pas avoir un autre travail alimentaire? Ah non. Caissière ou... Si je suis obligée, j'ai fait plein de petits boulots pour arriver à faire ça. En as-tu fait, oui? Ah, j'ai tout fait. Mais tout! Mais tu es tout fait aussi. Voilà. Tu es tout fait comme Zach Gainsbourg. Exactement. J'ai tout fait. J'ai du tri postal la nuit, aide ménagère, pion dans des collèges, réceptionniste dans un hôtel. Oh. J'ai même travaillé chez McDo. Oh! Tu vois, à faire les Kingfish et les Big Mac et les machins. Ouais. Voilà, j'ai donné des cours de tennis. Ah, tu joues au tennis? J'y ai joué, ouais, j'avais pas un trop mauvais niveau. Donc je donnais des cours à des gamins. Non, mais pour enseigner, il faut être assez bonne. Pour les petits, ça allait. Ok, ouais, c'est ça. Allez, il y a une balle, frappe la balle, c'est ça. Okay. Courez, frappez la balle. Donc voilà, tu dis, quand je dis j'ai tout fait, j'étais barman, j'étais... Ah oui, tu faisais des cocktails. Je faisais les cocktails, Est-ce que ça existe, les zombies, ici? Pas les hommes, là, mais le drink, un zombie? Non, ça je connais pas. Okay. Ouais, ça peut-être ça existe, mais enfin j'ai un peu lâché le. J'ai jamais été trop cocktail, je les faisais très bien. Mais tu faisais quoi? Tu débouchais? Tu débouchais des bières, pas compliqué. Hein? Non, je faisais les cocktails, j'adorais ça. Ah oui, mais c'est ça, mais lesquels mais, tu connais? Je faisais les trucs bateau, les pina colada, les machins, les caipirinhas, les mojitos, tous ces trucs. Les Blue Angel, est-ce que tu connais ça, Blue Angel? Sûrement, j'ai dû faire ça. Je connais juste deux cocktails, donc je voulais les balancer. Les Long Island. Je sais, il y a le truc avec où tu as 12 milliards d'alcool dedans. Et monsieur, le prix doit être. Long Island Iced Tea. Ouais, mais le prix. Le prix. Oui, c'est quand même assez cher. Ah, ça coûte la peau des fesses. Ah, oui, c'est ça. Tu le renverses t'en pas. T'en bois un, t'en bois pas deux. T'arrives avec c'est ça. La moindre goutte vaut de l'or. C'est ça. Si tu étais. Même la bulle. Ah, oui, la bulle, oui. Et si tu étais un membre corporel. Non, mais comme disait Coluche à propos de cet élixir, il dit « C'est quoi arrêter de pisser pendant deux semaines? » Oui. T'arrêtes de pisser pendant deux semaines, oui. Alors, qu'est-ce que corporel. Je pourrais... peut-être... deux, alors, parce que main droite, main gauche, hein, pour gratouiller la guitare. Alors, les mains? Ouais, les mains. Si tu étais un moment de la journée? Le soir. Vers quelle heure? 20h? L'apéro. L'apéro, ben l'apéro. Oui, ben on est le soir, alors donc on se peut considérer comme le soir. Voilà, exactement. Okay. Le soir en plein soleil. Voilà. Comme voilà, l'apéro, l'été en terrasse, tu sais, quand tu commences à avoir les petits tapas, le rosé frais, etc. Là, ça commence à un bien se lancer. Un peu moins frais, là. Ouais, okay. Si tu étais un autre individu? Ah, le truc comme ça, le délire où tu dis, tiens, voilà, pour une heure, t'es quelqu'un d'autre. Mick Jagger, je sais pas. Ouais. Ben Springsteen. Ah oui? Ah ouais, mais un concert, quoi. Pas juste pour chez lui, pas, le pas, jour pas, où il se lève pendant son petit déjeuner, ça, je m'en fous. Je suis pas fan à surtout ce moment-là, si de savoir à ce moment-là, la couleur de son slip quand il se lève, ou s'il dort nu ou pas. Non, non, c'est juste savoir ce que ça fait d'avoir... Deux heures de spectacle. D'être, ouais, deux heures, même c'est quatre heures de spectacle, genre à Hyde Park, l'année dernière, ou il y a deux ans, devant 300 000 personnes, juste savoir ça, quoi. OK. Voilà. Et donc, tu voudrais bien peut-être un jour faire un tour avec Bruce Springsteen. On peut dans les plus grandes folies, les plus grandes folies. Nous allons allumer un cierge de ce pas. Exactement. Et le laisser se consumer jusqu'à... Mais si tu as le choix entre Bruce Springsteen et Céline Dion, c'est Bruce Springsteen. Ah oui. Ah oui, ben moi aussi d'ailleurs. Je serais plus au spectacle mais que Bruce Springsteen. Mais c'est même pas un choix pour moi. Okay, non, c'est une évidence. La question ne se me pose même pas. C'est une évidence. J'ai rien contre la pauvre Céline. Elle est, la pauvre Céline, non. Ouais. Elle est sûrement charmante d'ailleurs. Elle est tellement pauvre la riche. Voilà. Elle chante merveilleusement bien, mais ça me fait rien quand elle chante. Mais non, moi non plus. Bon, je devrais pas dire ça, c'est très prétentieux. Non, pas au montage. Mais non, mais tu peux le laisser, je m'en fous. Tu vas le laisser aussi, je dis ça tout le temps. Moi, j'assume ce que je dis. Mais il y a plein... Elle fait son truc et tu fais ton truc. Voilà, un truc. Non, mais c'est mon truc et puis c'est ça, tu fais ton truc, elle fait son truc. Après, ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de bien, etc. Ça veut pas dire qu'on peut pas se retrouver à un bar toutes les deux, ça m'étonnerait. Moi aussi, parce que ça demande beaucoup de personnes ici autour. Voilà, exactement. Il faut fermer le bar. Je pense que ça doit être quelqu'un de très gentil, etc. Il y a pas de souci. Mais musicalement, ça m'envoie pas en l'air. Vocalement, je trouve que on peut pas dire que c'est pas une chanteuse, parce que c'est une voix extraordinaire. Mais ça me met pas les poils. Non plus. Je préfère la voix de Janis Joplin. Non, voilà. Ben là, écoute, c'est des gens qui ont vécu. Il y a un cri et je suis déjà scotché au plafond. C'est des gens qui ont vécu. Voilà, ça m'évoque plus de choses, quoi. C'est ma culture, je suis comme ça. Ouais, c'est la plus avec tout aussi. Le respect que je peux avoir pour tous les gens que je n'aime pas musicalement et qui font leur job très très bien. Mais voilà, chacun sa merde. Et voilà, mais elle c'est quand même très très propre de ce côté-là. Oui, oui. Oui, oui. Alors éventuellement, ce que tu aimerais, est-ce que ton disque est disponible au Québec? Alors il est disponible plus sur internet, ouais. Sur internet, puisque sur le site j'ai un joli site. Oui, alors tu peux donner l'adresse. C'est sofai.net, sofai.net. Et on a un joli une jolie page dédiée au téléchargement, acheter des trucs. Et on le vend par Amazon, tout simplement. Ok. Donc, alors on peut l'avoir directement chez soi. Voilà, on peut le commander par Amazon ou le télécharger sur iTunes. Ok. Si c'est alors tout simple. Les gens qui préfèrent certaines pièces, ils les sélectionnent. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et ta préférée de cet album-là, c'est laquelle? Alors écoute, il y a deux titres qui me sont très chers. C'est The Call of Freedom, parce que c'était un hymne un petit peu springsteenien. C'était presque un hommage pour moi de décrire ce truc-là. Quand ça m'est sorti, je me suis dit, oh, c'est ma chanson Springsteen. Okay, c'est ça. C'est très prétentieux de dire lui, ça. C'est ça que je vais chanter. Je sais pas si c'est ça, mais c'était presque un hommage et un condensé de tout ce que j'avais appris. Et il s'avère que c'est une chanson qui sur scène a un certain impact parce que il y a des chœurs, des trucs comme ça et les gens reprennent assez facilement. Et c'est très Springsteen, c'est les oh, oh, les machins, etc. qui sont chez lui très très communs et les mains en l'air, les machins, etc. Et il y a un côté comme ça dans cette chanson où ça, c'est un clin d'œil, quoi. C'est presque un remerciement à ce que ce monsieur m'a appris sans le savoir. Quoi. Ouais. Et puis voilà, s'il y a peut-être un deuxième titre, c'est The Man in a Million.